la plupart de toutes les craques. Je ne vis ni les vachons de gars, car dans ta tête là mon diva. A chaque aventure c'est dans tu ne fais que brûler les étapes, tu penses tu sais comme la plupart de toutes les craques. Ça ne dit jamais je t'aime, dans le cas contraire tu blasphèmes. Vie de mon pays, cesse de me faire du zèle. Tu te dis belle à mon insu, être la data de mes rêves. Alors que la tentation est là, t'es plus gros tu l'aimes. Le chétan s'est chimisé en toi, baby comme pour rêve. Oubliant de respecter certaines traditions, coutumes et règles. Inculquées à la femme au pays du soleil, couchant du Maghreb. Jusqu'en Europe, tout le bois ruiné ses traditions culturelles. Mon flot coule comme les cheveux du Niagara. Des jupes en kilo jouent qui se moquent calculent l'intensité de leur voix. Parfois si j'en mon mécontentement dans ce monde ici bas. De toute façon y'en empêche, je crois que les mouvements bâtis comme à la salle. Ça mon flot coule comme les cheveux du Niagara. Des jupes en kilo jouent qui se moquent calculent l'intensité de leur voix. Parfois si j'en mon mécontentement dans ce monde ici bas. De toute façon y'en empêche, je crois que les mouvements bâtis comme à la salle. J'aime vie mais les vachons de garde, car dans ta tête là mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu penses tu jettes comme la plupart de tous les cas. Demoiselle pas aux datas pour pêche. Dis-leur qu'on kiffe le naturel, j'ouvre et j'enflamme leur mèche. Guette-les en troupeau dans le premier, pas de taco pour les ghettos starlet. Vite un pigeon véhiculé pour plus de randonnée jusqu'en discothèque. Le den solide pop les excite, elle bouge de la tête aux pieds. Le grand compresse c'est dans le moulant, à croire que si je touche, fais tout péter. À minuit, elle a le taclair, les heures passent, elle vire au marron. Data, c'est l'état, tout peut lire, si mères se font ta quelle invention. Soit c'est une fable, elle se tape, mais pour ressembler à quoi qu'elle reste simple. Je te préfère franchement mieux tout comme 3 heures un goût, mais pète et blague taré, soit par en sucette. Perpétuel imprévu, ton troupeau sur le trottoir en chaussette. On a pété ton vestiaire, t'es sans yaska et sa caille sec. Planifie le taxi, basket, tennis, dispersion à destination. Yangal, ta main en l'air, c'était une femme qui se respecte. Yousman, méfie-toi de celle au tapé à fausse gâchette. Jeune fille, mais les vachons de garde, car dans ta tête, là, mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu prends tu jettes comme la plupart de tous les cas. Jeune fille, mais les vachons de garde, car dans ta tête, là, mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu prends tu jettes comme la plupart de tous les cas. Bébé timide étant petite, là maintenant tu t'exhibes. Égaré dans l'illicite de la balle, tu passes à la oui. Tu concrétises le tout par la distance, sans dériver vers la bêtise. Au fait, fillette, une access pigée, black, ton va se réaliser. Tell me why, sexy galèse, donc j'envire. Est-ce par la boule à maille qui t'attira, agir ainsi, jeune fille. Tell me why, sexy galèse, donc j'envire. Ton caillat concrétisé, black, tu cours après toi quand il médite. Tell me why, sexy galèse, donc j'envire. Est-ce par la boule à maille qui t'attira, agir ainsi, jeune fille. Tell me why, sexy galèse, donc j'envire. Ton caillat concrétisé, black, tu cours après toi. Jeune fille, mais les vachons de garde, car dans ta tête là mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu penses tu jettes comme la plupart de tous les craques. Jeune fille, mais les vachons de garde, car dans ta tête là mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu penses tu jettes comme la plupart de tous les craques. Jeune fille, mais les vachons de garde, car dans ta tête là mon diva. Tu fais que brûler les étapes, tu penses tu jettes comme la plupart de tous les craques. Je vis mais les vaches de garde car dans ta tête l'amour.